Jean Ollier, pensée choisie sur le culte de Notre Seigneur, de la Sainte Vierge, des anges et des saints. Texte inédit publié par Georges Le Tourneau, édition Le Coffre et Gabaldin 1916. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org, Université de Toronto. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique. Pour les besoins de la synthèse vocale, le latin est traduit. Première partie, culte de Notre Seigneur. Chapitre 1er, grandeur et perfection de Notre Seigneur. Recours perpétuel à Jésus-Christ. Le Père veut manifester ses desseins à ses créatures par Jésus, et Jésus seul peut les accomplir en nous, dans toute la pureté nécessaire. Il est notre lumière, notre force et notre sainteté. Il nous a été donné afin qu'agissant dans tous ses membres, il glorifie à son Père en chacun d'eux, sur la terre, comme il le fait au ciel, en tous les bienheureux. Nos anges gardiens voient dans l'essence de Dieu tout ce qu'ils désirent d'eux pour notre conduite. Les prêtres, qui sont les anges de l'Église, doivent trouver en Jésus-Christ toutes les volontés de Dieu et sur eux-mêmes, et sur les personnes confiées à leur sollicitude. Notre Seigneur n'est pas le miroir de son Père, speculum patris, uniquement parce qu'en le voyant, nous voyons le Père, mais aussi parce qu'en lui nous voyons tous les désirs du Père. L'homme-Dieu est le général de l'Église, il faut que les prêtres, qui sont ses officiers, aillent à lui pour connaître ses volontés et recevoir ses ordres, sous peine de s'exposer à en donner de contraire à ses desseins et à mettre un obstacle à leur réussite. Recours après nos fautes. Après nos fautes, allons à Jésus-Christ avec abandon et confiance, pour être purifiés. En lui, nous trouvons le remède à tous nos maux. Il est la vraie piscine des chrétiens, et il guérit de toutes sortes de maladies ceux qui recourent à lui. Mais pour trouver en lui le secours dont on a besoin, il faut y aller avec la simplicité d'un enfant, qui craint d'avoir contristé son père, avec amour, plutôt qu'avec crainte, regrettant notre faute parce qu'elle l'offense et non dans la vue de nos propres intérêts, par le principe d'une grande pureté, ne pouvant souffrir en nous une chose qui lui déplaise, dans une parfaite confiance. Sachant qu'il a une bonté sans borne, avec humilité, avouant sincèrement notre faute, dans un abandon total aux peines qu'il jugera à propos de nous infliger, préférant mille fois sa gloire et son contentement à nos satisfactions, enfin dans une conviction intime de notre faiblesse, sachant qu'elle pourrait nous faire tomber dans les plus grands dérèglements, s'il ne nous soutenait par sa main toute puissante. Dans les tentations et les tribulations. Notre Seigneur est notre refuge et notre bouclier contre toutes les puissances ennemies. C'est en lui qu'il faut aller chercher la force pour les vaincre. Il a voulu être tenté lui-même, pour nous mériter la grâce de surmonter toutes les tentations. Il s'est condamné à endurer les suggestions du démon, pour lui ôter son aiguillon et le moyen de nous nuire. Si nous triomphons de nos ennemis, ce ne sera jamais que par la vertu que nous aurons puisée en cette source. Dans les tentations, imitons les petits enfants auxquels on veut faire peur. Aussitôt qu'ils aperçoivent la moindre chose ou qu'ils entendent le moindre bruit capable de les effrayer, ils vont se jeter de toute leur force entre les bras de leur père, et là ils sont en assurance. Ainsi faut-il nous abîmer en Jésus-Christ. C'est une forteresse inaccessible aux démons, une tour forte contre l'ennemi. Psaume 64. L'ennemi n'ose pas même s'en approcher, le nom seul de Jésus le met en fuite. Notre Seigneur est le grand arsenal de l'Église, les chrétiens doivent y aller prendre les armes dont ils ont besoin, chacun en trouve à sa portée, et elles sont toutes propres à vaincre l'ennemi. Si les démons ont une infinité de ruses pour nous surprendre, nous trouvons en Jésus-Christ une infinité de voies pour déjouer leurs artifices. Viennent-ils nous attaquer par la volupté, nous trouvons en Jésus-Christ la grâce de la mortification. Veulent-ils nous surprendre par l'amour des richesses, nous trouvons en Jésus-Christ la grâce de la pauvreté. Veulent-ils nous assujettir par l'orgueil, nous trouvons en Jésus-Christ la grâce de l'anéantissement. Humilions-nous donc profondément en nous-mêmes, dans la vue de notre faiblesse, recourons à Jésus-Christ et, en sa vertu, nous serons à l'épreuve de toutes les tentations, et en assurance contre les attaques de tous les ennemis de notre salut. C'est un moyen sûr pour que notre Seigneur victorieux de ses ennemis en sa propre personne, le soit encore, selon ses désirs, en celle de ses enfants. Il semble, dans les rudes secousses et dans les agitations furieuses auxquelles certaines âmes sont abandonnées, que notre Seigneur se soit tout à fait retiré d'elles, ou du moins, qu'il dorme et les ait complètement livrées à la puissance de leurs ennemis. C'est alors qu'elles doivent recourir à lui avec plus de confiance. Par ce moyen elles le réveillent, il apaise d'un mot la tempête, et elles retrouvent en lui le calme et la paix. Jésus source de vie divine, vie éternelle, qui était dans le sein du Père et qui nous a été manifestée. 1 Jean 1:2. Cette vie du Père est la même qui réside dans le Fils. Cette vie du Père était cachée en lui de toute éternité, mais le moment étant venu où il voulait la manifester au monde et nous la communiquer, il l'a mise avec une plénitude inexplicable en Jésus notre Maître. Celui-ci la répand dans les hommes, qui, par cette participation, deviennent de petits dieux et les enfants du Très-Haut, selon l'expression du prophète. Psaume 82:6. La vie divine en Jésus-Christ est féconde, semblable en cela à la vie de Dieu même. C'est pour ce motif que notre Seigneur est appelé le Père du siècle futur. Il faut recourir à lui incessamment pour recevoir l'influence de cette vie, comme lui-même la reçoit sans interruption de Dieu son Père. Elle est cachée en nous dans le temps, pour ne paraître que dans l'éternité, ce qui fait dire à saint Paul, « Votre vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ » Colossiens 3:3. Jésus-Christ notre vie habite au fond des âmes, et il fait sentir ses opérations sans que rien paraisse au dehors. C'est pour le même sujet que saint Pierre appelle le Fils de Dieu, l'homme, caché du cœur. 1 Pierre 3:4, mais c'est aussi pour nous apprendre que cette vie cachée dans le temps, éclatera un jour dans le ciel, que le grand apôtre ajoute, quand le Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez, vous aussi, avec lui dans la gloire. Colossiens 3:4. Au grand jour de la résurrection, non seulement notre Seigneur paraîtra dans toutes ses beautés et dans les splendeurs de sa vie divine, en sa propre personne, mais encore en celle de ses membres. Toutes ses opérations secrètes et ses effets immenses de son amour et de sa religion, présentement cachés dans nos cœurs, y seront découverts par tout le monde. On le verra lui-même comme le Christ parfait et achevé en sa gloire, il aura avec lui tous ses membres vivants de sa vie ressuscitée, tous ayant cette vie proportionnée à leur place dans son corps mystique. On découvrira alors avec admiration toute la sagesse, tout l'amour, toute la religion, toute la puissance, toute la plénitude de la vie de Jésus-Christ répandue dans un nombre presque infini de saints, sans aucun retranchement de la plénitude qu'il possède en lui-même. Comme il a voulu, pour l'amour de son Père, s'humilier et se cacher en tous dans la vie présente, le Père, par amour pour lui, le fera honorer et la respecter dans la vie future. Il l'embrassera avec amour dans tous ses membres. en qui il lui a procuré tant de gloire, il les lui donnera de rechef pour être à jamais les suppléments de son amour, de sa religion et de tous ses autres devoirs envers lui. Il ne faut pas attendre ce dernier jour pour nous remplir de Jésus-Christ et de sa vie divine, il faut présentement nous adresser à lui pour avoir part à cette grâce, parce que nous ne la posséderons dans le ciel que tant que nous y aurons participé sur la terre. Ô amour, ô vie divine, que tu es belle, que tu es admirable, mais que tu es peu connue sur la terre. Ô amour, ô vie divine, remplissez-moi, je ne puis et ne veux vivre sans vous. Cher Jésus, qui êtes venu nous apporter la vie de votre Père, venez en nous pour l'y établir totalement. Ou mourir, mon Jésus, ou vivre de votre vie, car, hélas, quel moyen de vivre sans vous, sans être tout possédé de votre esprit. Merveille des opérations de l'âme de Jésus. Voir la plénitude de l'opération du Saint-Esprit dans l'âme de Jésus. Voir combien de sentiments et d'actes d'amour, d'adoration, de remerciement cet Esprit peut opérer dans un cœur, par sa toute-puissance. Quelle merveille ! Et tout cela se fait dans le cœur de Jésus, où sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu. L'Église du ciel ne fait qu'exprimer les sentiments de cet intérieur adorable et, dans l'Église militante, la diversité des ordres religieux ne sert qu'à rendre sensibles aux fidèles les vertus de Jésus-Christ à présent retirées dans les cieux. C'est ainsi que les capucins représentent sa pauvreté, les jésuites, son zèle, les chartreux, sa solitude, les minimes, son abstinence, les bénédictins, sa mort au siècle, etc. Il a voulu multiplier ses ordres pour multiplier la pratique de ses vertus, et pour dilater sa religion, par l'action du même esprit qui opérait tout en lui-même. Il a voulu orner son Église de toutes ses diverses beautés, afin qu'elle fût une copie fort étendue de son intérieur. Au cœur de Jésus, ô âme inconcevable, qui seul contenait tous les amours, tous les respects et toutes les louanges de tous les saints ensemble. Quel prodige que cette âme, qui possède toute la divinité corporellement, c'est-à-dire réellement et selon ses effets adorables. Elle renferme à elle seule plus de religion, plus d'amour de Dieu que tous les saints et tous les anges ensemble n'en ont, n'en auront et n'en sauraient jamais avoir, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Hymne Gloria in Excelsis Deo, confère Luc 2, 14. Nous vous remercions, Père éternel, de nous avoir donné Jésus-Christ, qui est votre grande gloire. Nous nous réjouissons de ce que vous vous êtes formé ce temple adorable, où vos louanges sont chantées si magnifiquement par votre esprit. Nous vous remercions d'avoir donné ce supplément à notre infirmité, afin que vous soyez loués comme vous le méritez. Grand Dieu, nous vous remercions d'avoir répandu cette gloire par tout le monde, en dilatant votre Église. Elle vous honore, par Jésus-Christ et par son Esprit répandu dans l'âme de tous les fidèles. La terre entière retentit de leurs louanges. Il n'est plus besoin maintenant de prêter l'oreille à l'harmonie des cieux, pour entendre publier cette gloire. Les honneurs qu'ils vous rendent ne sont plus dignes de vous. Quoiqu'ils prêchent vos grandeurs par tout le monde, ils prêchent à des sourds, dit saint Augustin dans ses confessions, l'homme tendu vers Dieu 6, 8, ils prêchent à des sourds, si votre miséricorde, qui est votre Fils, ne touche les cœurs. Et puis, Seigneur, leurs louanges sont fades à vos oreilles, depuis que Jésus célèbre votre gloire. Les holocaustes même, qui montaient autrefois jusqu'à vous comme un parfum d'agréable odeur, sont devenus insupportables à votre majesté, Depuis l'heureux moment de l'incarnation de votre Fils, vous m'avez formé un corps. Vous n'avez agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire votre volonté. Confère Hébreux 10, 6 à 8, 6, 7, 5. Vous m'avez donné un corps propre à être offert, non seulement en holocauste, mais aussi comme victime pour les péchés du monde, un corps passible et mortel, pour endurer la mort qu'avaient mérité les crimes de tous les hommes. Voici cette hostie unique de louange, préparée de toute éternité pour votre gloire. Vous voyez dans la créature tant de petitesse, d'impureté et d'impuissance à vous plaire, et en vous une majesté si sainte, si sublime, si digne d'être adorée, qu'il a fallu trouver en moi de quoi vous contenter. Jésus-Christ, centre et vie de l'Église. Ô mon Dieu, quel cœur que le cœur de Jésus, quel océan d'amour s'y trouve contenu et déborde sur toute la terre. Ô source féconde et intarissable de tout amour, ô abîme profond et inépuisable de toute religion, ô divin centre de tous les cœurs, aimable tout, divine plénitude, vous êtes tout, ô mon Jésus, c'est ce qu'il a plu à la divine miséricorde de me montrer dans l'oraison. Je voyais que Jésus était le tout de l'Église, qu'il en était le centre, et que par lui l'Église du ciel et celle de la terre étaient en communion, et n'étaient qu'une même chose. Je voyais comment tous les saints du ciel étaient consommés en lui, si bien qu'ils n'étaient tous qu'un seul Jésus-Christ. Je voyais que ses vertus étaient répandues dans toute l'Église de la terre, et que, par elle, les âmes étaient remplies d'un même esprit, des mêmes mœurs, du même Jésus-Christ. Je voyais ce divin Sauveur opérant, dans les hommes, qui vivent ici-bas, une communion des saints, mais imparfaite, en attendant celle du paradis qui sera accomplie. Je voyais aussi que, par lui, les âmes du purgatoire rendaient grâce à Dieu de tout leur bien, que par lui elles aimaient Dieu et désiraient le posséder, qu'en lui elles trouvaient, ainsi que le reste des fidèles, le moyen de satisfaire à la justice divine, et qu'elles ne s'adressaient que par lui à l'adorable majesté. Hélas, ô mon Jésus, habitez dans tous les cœurs, habitez en nous pour nous vider de nous. Faites de nous un seul Christ, en qui Dieu trouve ses complaisances. Tout ce qui a rapport à vous, tout ce qui se ressent de vous, tout ce qui a quelque chose de vous, lui agrée. Ô amour, remplissez-nous de vous, afin que Dieu, au milieu des crimes du monde, se plaise en nous comme dans le solide objet de sa joie. Tout ce qui n'est point vous ne saurait lui plaire, car tout est maudit hors de vous. Étendez votre nom, votre grâce, votre vertu, soyez connus et aimés partout, afin qu'en vous aimant, on aime votre Père et que, par vous, on le connaisse. Vous êtes cette nouvelle créature, qui donne une plus grande idée de sa majesté que tous les ouvrages du ciel et de la terre. Sans vous on ne peut le contenter, ni le glorifier, ni l'aimer, ni le connaître, ni l'adorer, nous ne le pouvons que par vous seul. Je m'anéantis, ô mon Jésus, devant votre grandeur, je vous conjure de m'obtenir miséricorde de votre Père, lassé de mes péchés. Par vous, tous les saints ont trouvé accès auprès de lui, par vous, attendent leur pardon les âmes qui gémissent au milieu des flammes du purgatoire, par vous seul, tout le monde espère. Seigneur, vous êtes mon salut, ayez pitié de moi. Jésus-Christ est la tête de l'Église et vivifie tous ses membres. J'ai vu que toute l'Église a été renfermée en Jésus-Christ, et j'ai entendu par là le sens de ces paroles du grand apôtre, proposé, de réunir toutes choses en Jésus-Christ. Éphésiens 1, 10. Or en Jésus-Christ toute l'Église a été contenue en abrégé, c'est-à-dire que tous les sentiments répandus en elle par le Saint-Esprit ont été compris et renfermés en Jésus-Christ, et que ce divin Sauveur a fait intérieurement tout ce que ses membres ont pratiqué, en la succession de tous les siècles. C'est pourquoi Saint Paul appelle l'Église sa plénitude, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 23. Notre Seigneur, en répandant en elle ses vertus, n'a fait que se dilater et s'accroître, selon l'expression du même apôtre, par l'accroissement que Dieu lui donne, Colossiens 2, 19. Prêtons nos âmes à l'Esprit de Jésus-Christ pour qu'il prenne accroissement en nous. S'il trouve des sujets disposés, il se dilate, s'augmente, se répand dans leur cœur, et les embaume de l'onction spirituelle dont il est lui-même embaumé, de sa plénitude, que nous avons tous reçue. Confère Jean 1, 16. Or pour comprendre ces expressions, il faut se rappeler que notre Seigneur est venu en ce monde pour rendre à Dieu son Père tout l'honneur qu'il peut recevoir hors de lui. Car de même que le Verbe rend à son Père tous les hommages qu'il peut recevoir au-dedans de lui-même, ainsi le Verbe fait chair lui rend toute la gloire qu'il peut recevoir du dehors. Dans l'éternité il était l'empreinte de sa substance, le rayonnement de sa gloire, Hébreux 1, 3, il honorait son Père par sa splendeur et son éclat, mais, étant venu sur la terre, il le glorifie par sa petitesse, il s'humilie et s'anéantit devant lui, pour faire ressortir sa majesté, il se remplit de confusion, pour faire paraître sa gloire, il veut endurer toutes sortes de souffrances, pour faire voir sa béatitude et sa justice, en un mot il fait tout, pour exalter son Père et faire concevoir ses perfections infinies. Étant donc venu au monde afin d'honorer son Père de toute manière possible, il a eu sans cesse devant les yeux les moyens de procurer sa gloire, et intérieurement il les a tous acceptés de grand cœur, quelque pénible qu'il puisse être à notre nature. Ainsi, il n'y a pas de tourment capable d'honorer ce Père bien-aimé, qu'il n'ait souffert en son âme, mais, comme il ne pouvait pas les supporter tous en son propre corps, après avoir pris sur lui les plus pénibles, il a partagé les autres entre ses membres qui souffrent ce qu'il a déjà enduré lui-même intérieurement. Ils lui servent ainsi de supplément, puisqu'il achève par eux ce qu'il avait commencé en son âme, et puisqu'il accomplit par leur secours, pour la gloire de son Père, ce qu'ils n'auraient pu faire extérieurement. En cela ils sont proprement ses membres, car, comme les membres font ce que le chef ne saurait faire seul, et exécutent ce qu'il a conçu et ordonné, l'Église et ses enfants font ce que notre Seigneur a résolu, et qu'il ne peut accomplir par lui-même. C'est le sens de la parole de saint Paul, j'achève ce qui manque aux souffrances de notre Seigneur, confère Colossiens 1, 24. Car en durant ce que notre Seigneur avait accepté dans son cœur et qu'il n'avait pu souffrir extérieurement, il accomplit les désirs du Fils de Dieu, il est son supplément en ses souffrances. Cela suppose-t-il un défaut dans notre Seigneur? Non, mais un excès dans son amour qui lui fait désirer, embrasser, accepter plus qu'il ne peut porter en son corps. Quel bonheur pour nous que cette impuissance de Jésus, qui l'oblige à nous rechercher pour trouver en nous de quoi porter l'excès de son amour. Quelle faveur d'être de la sorte regardé comme quelque chose de Jésus. Ce que notre Seigneur a fait pour les souffrances, il l'a fait pour la religion, les respects, les louanges, et tous les devoirs qu'il veut rendre à son Père. Il s'associe des cœurs, il appelle à soi des âmes, il les remplit de son zèle, de sa religion et de son culte envers Dieu. Il les excite, il les anime, il les embrase, Il ne fait qu'un seul cœur du sien et de celui de tous les saints, il en fait un même esprit, pour louer et glorifier son Père dans une même pureté. Ainsi il a 1000 cœurs et 1000 bouches, et ses cœurs et ses bouches ne sont que les organes de son esprit, répandus en eux pour multiplier ses louanges. Je vous célébrerai, Seigneur, de tout mon cœur, dans la réunion des justes, et dans l'assemblée. Psaume 110:1. Mon Père, je publierai vos louanges dans toute l'étendue de mon cœur, je confesserai votre gloire et votre magnificence durant toute l'éternité, et je répandrai mes sentiments et ma religion dans l'assemblée des justes et dans la société de mes membres, si bien que les louanges de l'Église ne sont que les sentiments mêmes de Jésus-Christ. Ce qui est répandu dans l'immensité de l'Église est donc tout compris dans ce cœur adorable. Mon Dieu, quel temple que ce divin cœur, dans lequel vous recevez tant de louanges et tant de respect, toute la terre est remplie de sa gloire. Isaïe 6:3. Ô source sainte qui comprenez des abîmes inépuisables de louanges, ô mon Seigneur, vous faites à l'égard des hommes, dans la hiérarchie de l'Église, ce qui a lieu dans celle des anges. Les anges supérieurs ne versent dans leurs inférieurs que la lumière et l'amour qu'ils sont capables de porter, ils se réservent la meilleure et la plus pure partie des sentiments qu'ils communiquent. Ainsi, ô mon Jésus, vous donnez à votre Église les sentiments d'amour et de respect qu'elle est capable de recevoir, mais vous vous en réservez d'autres que seuls vous pouvez comprendre, et dont seuls vous pouvez user à la gloire de Dieu. Divina Concilia, dit saint Ambroise, les disciples se trouvaient avec le Sauveur, mais nous le voyons seul prier son Père, parce que les saints peuvent bien être unis au Seigneur par les liens de la foi et de la charité. Mais le Fils seul peut pénétrer les incompréhensibles secrets des conseils de Dieu. Confère, Bède, in saint Thomas d'Aquin sur Luc 9, 18, Lectio 4. Vous avez daigné nous communiquer quelques-uns de vos sentiments en nous adoptant, mais pour ceux de fils de Dieu, ils ne sont pas concevables aux hommes. En effet, si c'était une chose si sublime pour notre Seigneur lui-même d'être fils de Dieu, d'en avoir l'esprit, les pensées, les sentiments, combien cette sublimité et cette sainteté doivent-elles nous dépasser? S'il est vrai que les hommes, sur la terre ne peuvent comprendre le langage des anges, ni user de leurs pensées et de leurs sentiments, à cause de leur élévation, combien moins sont-ils capables de comprendre les pensées et les affections du Fils propre du Père éternel? Les esprits bienheureux eux-mêmes en sont réduits à souhaiter passionnément de connaître les opérations intérieures que l'Esprit Saint produit en l'âme de Jésus. Ô abrégé adorable de toutes les louanges de Dieu, l'Esprit Saint se satisfait pleinement en vous. Si vous vous êtes épuisé en le produisant dans l'éternité, à son tour, opérant en votre humanité, il épuise en elle sa vertu. Il n'a plus rien à donner après les dons qu'il vous a faits. S'il accorde quelques faveurs, ce n'est qu'en épanchant hors de vous ce qu'il a d'abord renfermé en vous. Beauté et grandeur de l'âme de Jésus. Ô Jésus, souffrez que je vous adore en votre intérieur, que j'adore votre âme bénie, que j'adore votre cœur que j'ai vu encore ce matin. Je voudrais le décrire, mais je ne le puis, tant il est ravissant. Je l'ai vu comme un ciel tout rempli de lumière, d'amour, de reconnaissance et de louange. Il exalta Dieu, il exprimait ses grandeurs et ses magnificences. La gloire dont vous fûtes environné, au jour de votre résurrection, n'est qu'un pâle reflet de la gloire et de la splendeur de votre intérieur, auquel on ne saurait rien comparer. Et cependant vous vous plaisez à faire couler sur nous le baume et l'onction qui remplissent votre âme. Béni soit le cœur de mon Jésus, qui ne dédaigne pas la petitesse du cœur humain et lui fait une si grande miséricorde. Béni soit le cœur de mon Jésus, qui se répand dans nos cœurs, les fait participer à ses bénédictions et à ses grâces, et nous découvre ce prodige si rare et si saint, l'étendue immense de son divin intérieur. Ô Verbe divin, heureux celui à qui vous découvrez quelques petits échantillons de vos richesses. Hélas, je n'ai rien vu, et pourtant ce que j'ai vu me ravit. Heureux celui en qui vous accomplissez ces paroles, je lui manifesterai mon intérieur. Jean 14, 21. Personne ne connaît le Père que le Fils, mais personne ne connaît le Fils que le Père. Qui pourrait comprendre tous ces trésors de science et de sagesse divine? Qui pourrait comprendre l'amour dont Jésus-Christ aime son Père, dans toute l'étendue du Saint-Esprit, cet amour que saint Paul assure surpasser toute connaissance? L'amour vous a autrefois envoyé dans le monde, ô mon Jésus, et l'amour vous envoie encore tous les jours dans nos cœurs. Mais l'homme, borné ne le sait pas, l'insensé ne peut le comprendre. Psaume 91, 7. L'homme, qui court après le vent et la vanité du monde ne comprendra rien à ces merveilles. Votre intérieur et ces présents si magnifiques que vous faites à vos amis, lui seront cachés car personne ne l'a pris à cœur. Jérémie 12, 11. Il n'y a presque personne qui fasse réflexion sur les choses divines, et qui pénètre dans l'intérieur de Jésus, jusqu'au-delà du voile. Hébreux 6, 19. C'est pourtant sur cet intérieur que celui des chrétiens doit être réformé. C'est en lui qu'il faut nous renouveler tous les jours, alors même que notre homme, extérieur dépérit, notre homme, intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, 16. Il faut donc, de jour en jour, détruire le vieil homme, c'est-à-dire ses inclinations, ses sentiments, ses dispositions et ses mouvements de notre cœur, qui tendent au mal, il faut nous renouveler tous les jours, c'est-à-dire imprimer en nos âmes les sentiments que notre Seigneur avait dans son cœur, et qui nous sont connus par son évangile, puissamment fortifiés par son esprit en vue de l'homme, intérieur. Éphésiens 3, 16. Notre Seigneur est appelé l'homme, nouveau, l'homme, intérieur, parce que son intérieur doit être répandu en tous les chrétiens. Acte d'amour pour notre Seigneur. Ô mon tout, ô mon amour, possédez pour jamais ce pauvre cœur, il est entièrement à vous. Prenez vos délices. Je vous proteste, ô mon Seigneur, que je ne le retirerai jamais, et que jamais je ne m'opposerai au plaisir que vous voulez y prendre. Ô mon Dieu, il n'en est pas des créatures comme de vous, si elles ont de la sagesse, de la lumière, de la vertu, ou elles en sont jalouses et gardent pour elles ce qu'elles ont, ou si elles ont la volonté de se communiquer, elles ne le peuvent pas. Mais, pour vous, source intarissable de sagesse, d'amour, de force, vous brûlez du désir de vous communiquer à nos âmes avec tous vos trésors. C'est à vous que je veux m'attacher pour jamais, c'est vous qui êtes mon unique, c'est en vous que je trouve tout. Ô océan, ô mer, ô vaste abîme de sainteté et de perfection, c'est en vous que je me perds. Si je regarde vos créatures, elles ont à la vérité quelques petits reflets de votre abîme de lumière, elles ont quelques petits éclats de votre brillant soleil, elles ont quelques étincelles de votre sagesse infinie. Mais, hélas, pour saintes qu'elles soient, elles ne sont rien auprès de vous. En vous, au contraire, jamais de fond, jamais de fin. En vous seul on peut se perdre et s'abîmer. Chez vous, je trouverai toute la science, toute la sagesse, toute la puissance dont j'ai besoin, je ne l'attendrai pas d'ailleurs. Soyez bénis, ô mon Dieu, que je vous aime à jamais. Infini en vous-même, vous vous laissez aimer et posséder tant que l'on veut. Mer d'amour, que je me noie en vous. Océan de bonté, que je vous bénisse, que je vous adore et vous contemple toute une éternité. Rien ne repousse d'auprès de vous, et tout m'y porte. Qu'à jamais j'ai les yeux ouverts sur vous, et que jamais je ne les ouvre sur autre chose. Unique tout, qui contenait tout, qu'à jamais je trouve tout en vous. Je m'y abîme pour ne jamais me retrouver ailleurs. Zèle pour faire aimer notre Seigneur, ô mon Seigneur, tout ce que je souhaite en ce monde est de vous savoir honorer et glorifier par toute créature. Mon grand désir, après celui de votre bon plaisir, est que votre règne soit étendu partout, et que tout vous soit assujetti. Quelle joie s'il m'était donné de jouir de ce spectacle! Que pourrais-je prétendre après cela? Ah, Seigneur, que votre règne arrive, et, s'il se peut, qu'il arrive avant le jour du jugement, avant ce jour que les démons redoutent par-dessus tous les jours, parce que, étant tout à fait garrottés, ils ne pourront plus vous faire la guerre. Je voudrais, au Montou, que toutes les créatures fussent converties en autant de langues et de bouches, pour vous louer et vous bénir. S'unir intérieurement à Jésus-Christ. Unissez-vous intimement à Jésus, en toutes vos actions. Donnez-vous à lui sans résistance, afin qu'il opère en votre âme ce qu'il désire, et qu'il accomplisse en vous tous les desseins qu'il a jamais formés pour la gloire de son Père. L'union à Jésus-Christ est l'unique voie pour entrer en Dieu et même pour y avoir accès. C'est Jésus-Christ qui doit être votre raison, qui doit rendre vos devoirs à son Père, lui adresser vos demandes, le louer et l'adorer en vous, sans lui vous ne le sauriez bien faire. Il est l'unique voie pour parvenir à plaire à Dieu. En Jésus-Christ, vous trouverez tout, hors de lui, vous serez un vaisseau sans gouvernail et sans pilote, vous n'aurez point de conduite assurée là et vous ne sauriez éviter de faire naufrage. Qui a Jésus à tout. Il faut vous détacher de tout pour ne vouloir que Jésus, et pour vous mettre dans l'état où Jésus, votre tout, demande ses amants. Aimer Jésus, c'est l'unique nécessaire, pour quelque sécheresse, trouble. Abandon que ce puisse être, ne quittez point cette union à Jésus. Hors de Jésus tout n'est que vanité, embarras et inutilité. Aimez uniquement Jésus, soyez unis à Jésus, jamais séparés de lui. Serrez-le mille fois le jour sur votre cœur. Enfin mourez d'amour pour Jésus, faisant mourir en vous à tout moment ce que vous ne sentez pas être pour Jésus. Pour chasser les distractions et les pensées des créatures, portez aussitôt votre esprit et votre volonté en Jésus. Le soleil éteint les étoiles et dissipe les brouillards. La présence du Fils de Dieu étouffera les pensées oisives de l'esprit, et les mouvements fâcheux qui troubleraient la volonté. Enfin que votre chair tout soit l'aliment de votre bien et le contrepoison de votre mal. Ne cessons jamais d'être tout à l'amour et en l'amour, mais que notre amour soit pur, allant à Jésus en séparation de toute créature, qu'il soit ardent, afin qu'en toutes nos actions, il nous porte à lui vivement et sans aucune lâcheté, qu'il soit actuel et renouvelé le plus souvent que nous pourrons. Considérez Jésus dans le culte des saints. Il ne faut pas se contenter, comme on le fait souvent, faute de lumière, de regarder les saints en eux-mêmes, il faut les considérer comme des voies pour aller à Jésus-Christ. L'intention de l'Église est qu'on aille chercher en eux notre Seigneur, de la plénitude duquel ils sont enrichis, elle sait que nous sommes plus assurés de le trouver en eux, que si nous le cherchions immédiatement et par nous-mêmes. Ils sont comme des tabernacles vivants, des ciboires animés qui renferment notre bon maître, et dans lesquels il veut recevoir nos hommages. Les saints sont par eux-mêmes pauvres et dénués de tout, c'est notre Seigneur qui les remplit de toute bénédiction céleste, nous devons toujours le considérer en eux. C'est lui qui leur communique cette vie divine, sans laquelle ils ne seraient que de pur néant dans la grâce, comme avant la création ils étaient de pur néant dans la nature. En découvrant en eux une si merveilleuse étendue de vertu et une si grande diversité de dons, nous apercevons quelque chose de la plénitude des richesses de Jésus dont les leurs sont un bien faible écoulement. Nous le verrons dans ses amis, comme un chef influant la vie dans ses membres, comme un roi dominant sur ses sujets, comme un père vivant dans le cœur de ses enfants. On ne s'arrêterait guère à considérer la matière d'un vase transparent, rempli de choses rares et précieuses. Or les saints, selon la foi, sont des vases diaphanes renfermant Jésus-Christ. Ils ne doivent point tant arrêter notre vue, que Jésus-Christ même, qui veut paraître en sa beauté. C'est ce qu'on découvrira clairement au grand jour de la résurrection. Le Seigneur venant en sa majesté paraîtra avec éclat en ses saints aussi bien qu'en lui-même. Les élus seront les dépositaires de sa splendeur. Partout où on jettera les yeux, on ne verra que Jésus-Christ en sa gloire. Dès ici-bas la foi nous doit faire envisager les bienheureux de cette manière, notre Seigneur voulant toujours être devant nos yeux dans nos exercices de religion. Imitez Jésus-Christ, pour connaître certainement si vous aimez, examinez si vous avez un solide désir de vous conformer à Jésus-Christ, si vous désirez reproduire en vous ses vertus, surtout ses vertus crucifiantes, comme sa pauvreté, son humilité, sa mortification, sa patience, s'il vous est à cœur d'avoir en tout ses dispositions, en un mot si vous vous comportez comme il l'a fait lui-même, lorsqu'il vivait sur la terre. Nous sommes tous obligés de devenir conformes à Jésus-Christ, saint Paul nous l'enseigne. Si nous ne vivons pas sous l'action du Saint-Esprit, comme le divin Sauveur, nous ne vivons pas véritablement de la vie du Père et du Fils, qui n'ont qu'une vie, un désir, un sentiment, un amour, une lumière. Je prie Dieu, comme saint Paul, pour votre consommation parfaite en Jésus-Christ. Je le prie de tout mon cœur de vous faire parvenir au point de perfection qu'il désire, et de vous consommer parfaitement par son esprit, comme il est lui-même consommé en son Père.